Vous pensez que Canadian Tire, c'est des outils, de la quincaillerie, de la peinture, du saisonnier. Mais nous avons aussi une multitude d'équipements sportifs offerts à très bon prix. Surveillez notre circulaire tous les jeudis pour en savoir davantage. Canadian Tire, commanditaire de l'équipe olympique canadienne. 1751 Boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini. 418-276-2385 ou canadiantire.ca. Le propriétaire Ken Bennett souhaite la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et Cassandra Bradette aux Jeux olympiques de Pyeongchang. Pendant les Jeux olympiques, Dolbeau Auto est en mode olympique avec des spéciaux dignes de la médaille d'or. Le Silverado, 0% sur 72 mois ou encore le Sierra, 98$ par semaine pendant 48 mois. Dolbeau Auto, 1770 Boulevard Walberg, Dolbeau-Mistassini au 418-276-0580. Le propriétaire, M. Stéphane Fortin et toute son équipe souhaitent la meilleure des chances à Marianne Saint-Gelais et à Cassandra Bradette pour les Jeux de Pyeongchang. Daytona 500 fin de semaine. Ça marque le début de la saison du NASCAR. On en parle avec Patrick Carpentier. Salut Patrick. Hey, salut, ça va bien? Oui, ça va bien Patrick. Écoute, là, c'est vraiment un changement de garde hein, en NASCAR. Dale Earnhardt est parti, Kyle Edwards est parti, et plusieurs autres pilotes. Et là, c'est la jeunesse Chase Elliott et autres qui vont tenter évidemment. Joey Logano qui est rendu un pilote vraiment un doyen. Donc, j'ai hâte de voir, évidemment, le passage du NASCAR à de jeunes pilotes. Oui, exactement. Écoute, on a déjà commencé à voir un changement de garde important. Si tu regardes les duels, le clash, les pilotes qui ont gagné dans les duels avaient toutes les deux en bas de 25 ans. Ça fait que ça donne une idée un peu que c'est déjà commencé. Puis écoute, c'est des pilotes très talentueux, c'est des pilotes hyper rapides, assez exceptionnels aussi. On appelle ça les pilotes vidéo gamers. Okay. Oui. C'est les pilotes qui jouent sur iRacing puis ainsi de suite, qui ont appris beaucoup avec les jeux vidéo aussi. C'est une nouvelle génération puis c'est des excellents. OK. Quelles équipes sera surveillée cette année? Ben évidemment, écoute les Joe Gibbs, équipes, Ouais, Joe Gibbs Racing, Hendrick Motorsport, Stuart Haas Racing, Penske Racing sont pas mal les gros canons. Ralph Fenwell Racing n'a pas tellement été là dans les dernières années. Puis cette année, tu as des nouvelles voitures, la Camaro ZL1, qui est une superbe voiture que Hendrick va bénéficier, le Chevrolet. Stuart Haas Racing sont avec Ford maintenant. Ford est la seule auto qui n'a pas été updatée depuis le changement de la réglementation. Donc, pour eux autres, je pense que ça va peut-être être difficile. Pas sur les super ovales, parce qu'ils bénéficient du moteur d'un V8, mais sur les circuits plus petits, ça va peut-être être plus dur. T'as couru à Daytona. Est-ce que c'est un circuit qui est dur pour les ajustements? Ben, écoute, ça dépend de la réglementation de NASCAR. Okay. Parce que si les voitures sont stables, c'est pas dur, mais cette année, ils n'ont pas changé la réglementation au niveau de l'appui aérodynamique sur les circuits, mais sauf que à Daytona, ils ont changé une réglementation qui fait un gros changement, c'est qu'il n'y a plus d'auteur minimum des voitures. Moi, je les trouve beaucoup plus belles comme ça. Les côtes sont assis à terre. Là. Les voitures sont vraiment, vraiment proches du sol, puis l'arrière de la voiture est tellement basse que les pilotes ont de la difficulté à voir dans le rétroviseur. En tout cas, c'était le cas dans le clash. Puis, écoute, ce qui fait que les équipes enlèvent quasiment... Parce qu'avant, NASCAR réglementait les amortisseurs, puis les ressorts, puis tout, mais là, ils ont arrêté ça. Fait qu'écoute, les autos sont quasiment assis de métal à métal. Ils sont assis à terre en arrière pour avoir un avantage aérodynamique, mais sauf que comme Harvick, il disait, puis les autres, ils sont inconduisables. OK. Il y a un Québécois qui va... non, avant de parler d'Alex Labbé, je veux parler de T.J. Kellington. T.J. Kellington qui domine depuis quelques années, qui est un très, très bon pilote à NASCAR. Pinty, ça, c'est l'ancienne NASCAR Gunter. C'est la série canadienne. Les pilotes canadiens là, à NASCAR Canada, est-ce qu'ils sont loin... à tout le moins, est-ce qu'ils se comparent à... J'ai toujours de la misère avec le Nationwide des pilotes. Est-ce que c'est comparable au Nationwide? Je me rappelle plus de... À la Xfinity. Infinity, oui, c'est vrai. Infinity. Maintenant, oui, écoute, t'as des pilotes hyper rapides, là. Tu parles ouais, okay. Alex Aguilani, tu parles, tu sais, Alex, il va, puis il roule en avant. Andrew Rangé. Tu parles de Andrew Rangé, tu parles de Philippe Dumoulin, tu parles de Lapsevich. Tu sais, c'est des gars qui sont très, très talentueux. C'est des gars, Alex Labbé, d'ailleurs, que si ouais. tu mets dans une bonne voiture, vont rouler en avant. Alex Labbé, super content pour Alex. C'est un pilote qui a beaucoup de talent. Il travaille super fort aussi. Puis il veut monter. Il y a une opportunité incroyable cette année parce qu'il va participer à la saison Xfinity au complet. Mais c'est toujours question de budget puis d'équipement aussi. Fait ouais. qu'on va voir ce que ça va donner pour lui. S'il peut rouler top 15, top 20, ça serait excellent. Parce qu'évidemment, top 15 comme top 20, c'est des commanditaires, c'est t'sais, t'sais, les caméras sur ben, les sols. Il y a des moteurs A, des moteurs B, des moteurs C. Fait que, ils ont acheté 4 châssis de Richard Childress Racing, qui sont des bons châssis, mais c'est des anciens châssis de Childress Racing. Fait que, ça dépend quelle distance ils vont mettre là-dedans, comment d'argent ils veulent sortir pour justement mettre sur la voiture. Là, la voiture n'est pas qualifiée pour demain. Question des QRXC au départ. On va dire quoi? Fond de gris, j'imagine? Pas trop d'attendre à peu près? Ben, j'espère que non. J'espère que c'est milieu? Une écurie plus avancée, milieu de gris, je te dirais. Okay. D'après moi, il n'y aura pas de problème à se qualifier demain, quoique la chance joue un rôle toujours là-dedans. C'est Mario Gosselin qui prépare la voiture. Mario Gosselin est excellent pour la préparation de voiture. C'est lui qui l'a amené à son championnat en série Penties. C'est lui qui préparait la voiture avec Martin Roy l'an passé avec Finiki, qui, elle, est une équipe de fond de gris, là, plus que d'autres choses. Mais c'est lui, c'est un excellent chef d'équipe. Fait que si Mario a les outils pour travailler, je pense qu'Alex va avoir beaucoup de plaisir. OK. Dernier point, Patrick, je veux te parler de il y a quelques semaines, François Dumontier a manifesté le désir d'avoir une course de la série la principale série de NASCAR. Est-ce que c'est un rêve ou une réalité? Dans le temps que ça courait à Montréal, on disait tout que c'était un rêve, mais de la manière que François Dumontier parlait, NASCAR a changé beaucoup, là, puis c'est même possible. Tu crois-tu que c'est encore possible ou c'est un rêve? Je pense que c'est plus un rêve que d'autres choses. Ils veulent pas sortir du Canada? Encore? Des États-Unis, je pense. Ouais, pas du Canada, mais des États-Unis, oui, effectivement. Ils l'ont fait. Ils avaient vraiment aimé le Canada. Ils ont beaucoup d'admirateurs NASCAR au Canada. Fait que c'est important pour eux autres. Il y en a beaucoup au Mexique aussi. S'ils ont une place à aller, je dirais que ça serait plus au Mexique parce que Daniel Suarez est en sprint. Puis c'est un Mexicain. Fait que je te dirais que oui, c'est possible. Avec François, tout est toujours possible de ce côté-là. Là, moi, j'aimerais ça, c'est certain. Écoute, je serais go for it, là, tu sais, mais par contre, je pense que ça va être très difficile parce que t'as même pas de Canadien dans ces sprints. Ah oui, effectivement. Puis la course automobile, c'est encore parent pauvre hein, au Canada. Patrick, oui, exactement. On se reparle tout au long de la saison, de temps à autre, durant la série, saison NASCAR et la Formule 1. Je te rappelle lorsque la Formule 1 va commencer. Hey, super. OK, merci. Patrick Carpentier, notre chroniqueur automobile.